Les sons étaient alors très différents entre le village et la campagne environnante. Et lorsque le vent soufflait fort, ce qui n'était pas rare, les notes cristallines dans le vallon donnaient l'impression de tomber du ciel. Je pouvais alors penser qu'elles prenaient naissance là, dans l'air, uniquement pour me ravir, uniquement pour m'être agréable. Soudain résolu, je franchis la cour et montai les 8 marches qui menaient à la terrasse précédant l'entrée. Je tirai la chaîne de la cloche et une voix cria par la porte grande ouverte. « Oui, entrez !» La première chose qui me frappa en pénétrant dans le hall furent les odeurs. En réalité, il y avait plusieurs parfums. D'abord le principal, celui de la maison, qu'on reniflait sitôt passé le seuil sombre. J'essayai de l'analyser, car c'était une senteur qui ne m'était pas familière. Elle n'était pas déplaisante, loin de là. Il y avait un fond de vin, bien entendu, avec une pointe de chien mouillé et des relents refroidis de cuisine. Et comme c'était une cuisine méridionale, à base d'ail, d'olive, d'huile et de romarin, cela me changeait de mes habitudes. Un autre parfum était l'arôme même de l'air, beaucoup plus ténu. Je me rendis compte après qu'il était seulement perceptible à certains moments de la journée. Il était plus discret, plus évanescent, composé des senteurs aromatiques typiques de la flore du midi. Toujours ce subtil mélange de sarriette, de paille, de menthe, mais où la dominante, me sembla-t-il, était le pain. Le dernier, enfin, plus discret, plus sauvage et plus fugace, était, lui, très spécial. C'était qu'un cocktail froid, composé de senteurs fériques, acides, humides, terreuses, c'était le parfum très typé de l'eau de source. Cet assemblage me parvenait par-dessus le toit de la maison, légèrement pollué, par l'émanation de gasoil mal brûlé provenant du tracteur. Il était assis dans la cuisine et regardait le vallon par la fenêtre. La lumière l'éclairait de profil. Il contemplait son verre de vin fraîchement tiré, dans lequel le soleil allumait de magnifiques teintes rougeoyantes. On y percevait toute la gamme des cramoisis en passant par le carmin, le rubis transparent et une touche de ponceau. C'était le vin de sa production, élevé avec amour et conscience, et comme c'était un homme sincère et honnête, il le buvait avec tendresse et respect, sans avidité, comme un vin doit être bu, avec une certaine révérence. De suite, l'homme me plut. De suite, je sentis que nous allions bien nous entendre. De suite, je compris que nous partagions en partie les mêmes valeurs, que nous aimions les choses simples et la nature. Il s'appelait Robert, mais on disait le père. Son épouse s'appelait Elisabeth, dite Zabeth. Il avait 2 filles, l'aînée mariée dans la région de Nîmes, et la seconde, Véronique, étudiante, qui venait de réussir son bac et se préparait pour la rentrée en fac de lettres. Comme beaucoup de petits viticulteurs, il lui fallait un second métier pour faire subsister sa famille. Le père était bûcheron, et il faut dire qu'il était construit pour 1,65 m de haut, presque autant de large. Je me souviens de ses biceps qui étaient plus gros que mes cuisses. Une véritable force de la nature. Une particularité très étonnante était sa placidité. Jamais pressé, sa façon de se déplacer, que l'on aurait pu croire lente, mais qui n'était que calme et sérénité. On sentait qu'il avait les 2 pieds ancrés dans le sol, on sentait qu'il était relié à la terre. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle ce genre d'homme des terriens. Lui, de plus, était relié au ciel, ce ciel du midi d'un bleu azur qui n'était que le reflet de ses yeux, lesquels étaient d'un bleu profond. Debout, dès l'aube, sa cognée sur l'épaule, il quittait le mas et montait au bois, où, avec une sorte de respect primitif, il abattait les arbres les uns après les autres. Il rentrait vers 11 heures, dînait en silence, puis faisait une longue sieste. Vers 3h30, il se levait, buvait un canon de vin frais et, d'un geste caractéristique, remettait sa casquette. C'était le signal de la reprise du travail. Il remontait au bois ou descendait dans le vignoble, ou encore, mais plus rarement, allait au potager. Cela faisait maintenant 10 jours que les vendanges étaient commencées. Le va-et-vient dans les vignes était incessant, les cornues se remplissaient et partaient sur le tombereau vers la cave coopérative. Depuis quelques jours, Véronique m'était de plus en plus sympathique, totalement différente des filles que j'avais connues chez nous. Elle avait des cheveux magnifiques, longs et bruns. Elle était simple et naturelle. Pas de maquillage ni de tricherie, elle se montrait telle qu'elle était. De plus, c'était une très gentille fille, sensible aux beautés de la nature et aimant les auteurs français. Il faut dire qu'elle entrait en fac de lettres en novembre. Je la regardais vivre, bouger et respirer le même air que moi. Nous vendangeons dans la même colle. Moi par goût de l'aventure et elle pour payer ses études. Je crois que nous sommes tout de suite tombés amoureux, mais je n'osais pas lui en parler, car c'était la première fois et j'étais très intimidée. Chaque soir, je me disais que j'allais me jeter à l'eau le lendemain, mais chaque matin, je reportais au jour suivant ma déclaration. Fin septembre approché. Le père m'avait autorisé à occuper un cabanon constitué d'une pièce sans électricité, mais avec évier et robinet. Il y avait, en outre, un poêle, une table et quatre chaises. Byzance, quoi, par rapport à ma tante. Ce soir-là, c'était la fête. J'avais 20 ans, et pour cette occasion, j'avais invité ma famille française et, bien sûr, Véro. C'était un samedi pluvieux. J'avais travaillé tout l'après-midi pour que notre petite soirée soit une réussite. Le tapis de sol de la tente sur la table faisait une très jolie nappe. Le terrible sautel du père Raoult comme apéritif, jus d'orange, eau de la source et vin comme boisson. Je servis avec fierté comme entrée des palets, pâtes de pommes de terre râpées frites à la poêle, comme entremets des petits gris au beurre d'ail. Je savais que Robert en raffolait. Riz à la créole, bien épicé, avec tomates, lard, petites saucisses fraîches fricassées, oignons et ail. Pour dessert, un cake gentiment amené par Véronique. Ce dessert sera suivi d'amandes, de noix, de figues trouvées dans la nature. Assis autour de cette table, quatre bougies nous éclairaient, le poêle ronflait, il participait à notre fête, il lançait 1000 reflets chauds sur nos visages et dessinait des arabesques rougeoyantes au plafond. Cette soirée fut charmante et réussie. J'avais 20 ans. J'étais très loin de chez moi et pourtant j'étais heureux. C'est ce soir-là que j'appris que le père avait un don très recherché dans cette région. Il était sourcier. Un dimanche matin, le dimanche, sauf exception, on ne vendangeait pas, tôt levé, nous partîmes cuber un petit bois au-dessus du domaine des Célettes que le père était chargé de couper pour une papeterie. L'endroit se trouvait sur la croupe d'une colline surplombant la Cèze. Après avoir bien œuvré, le père referma son petit calepin de moleskine noire, remit l'élastique en place, puis, après la collation de la matinée, but le verre de vin qu'il avait fait miroiter à la lumière, selon son habitude. Il me dit, toujours avec cette placidité qui le caractérisait, « Suis-moi, avant de rentrer, je désire te montrer quelque chose que même les gens d'ici ont rarement vu. » Je sais que cela te fera plaisir et que tu apprécieras. » Il me conduisit au pied d'un éperon rocheux, d'où la plaine nous apparaissait dans toute sa majesté. Dans l'air troublé par les vibrations de la chaleur montant du sol, les villages d'Eusé, Carnol et La Roque se montraient sous leurs plus beaux atours. Et dans le bleu lointain, où l'horizon tremblait avec un goût de mirage, on devinait même Frigoulet et Roquepertuis. « Assieds-toi au pied du calvaire et attends. Sois patient. De mon côté, je vais chercher quelques pieds de mouton. Zabeth saura me remercier pour ses champignons. » Robert était vraiment un homme observateur et comprenait très bien les tenants et aboutissants du milieu dans lequel il évoluait. J'étais donc très intrigué et, suivant son conseil, je m'installai du mieux possible. Je pouvais admirer cette magnifique vallée toute vibrante sous l'air chaud. D'ici, les routes noires, les chemins ocre et le damier vert des cultures ressemblaient à un tableau de Cézanne. Un petit bruit à ma gauche attira mon attention. Une tête mafflue émergeait de dessous un gros rocher. Une tête d'animal préhistorique précédée par une langue noire et bifide. On aurait dit un de ces dragons des contes de fées de mon enfance. Un regard à droite, un regard à gauche, il sembla réfléchir. Puis, subitement, d'une seule détente, il sortit de son obscur abri. Il était d'une agilité remarquable, malgré son corps lourd et massif. Il alla se vautrer, les yeux clos, sur une grande dalle chauffée à blanc, comme si elle lui appartenait. Son corps était terminé par une longue queue souple, marquetée d'ocre, repliée le long de son ventre jaune citron. Ses deux flancs, étalé comme pour mieux absorber la chaleur caniculaire, était chamarré d'ocelle vert, gris-jaune et entouré de perles noires bleutées. Les plus beaux et les plus grands sont ceux qui lui donnent son nom. Ils sont comme le reflet de ce ciel estival, d'un bleu très pur, couleur de robe unique dans la nature de notre pays. Telle fut ma première et étrange rencontre avec le grand lézard ocellé languedocien. C'est au pied de ce calvaire huguenot que je le rencontrai pour la première fois. Ici, il portait le nom terrible d'Arasado. Merci, Robert. À la mi-octobre, les vendanges étant finies, Véro me proposa de passer l'après-midi au bord de l'Ardèche. Je n'avais jamais vu l'Ardèche. J'acceptai donc avec enthousiasme, non sans une arrière-pensée. Arrivé à l'entrée des gorges, je restai sous le choc, n'ayant jamais imaginé qu'il puisse exister quelque chose d'aussi grandiose. Un calme presque hostile régnait, l'eau était sombre et coulait sans bruit. Le père désirait pêcher sur une grande banquette rocheuse. Nous le laissâmes à son plaisir, tandis que Véro me conduisait dans les gorges par une sente pas plus large qu'un pas. Elle m'amena sur une petite plage de sable fin, où nous pûmes nous baigner dans l'eau profonde. Ce fut là aussi que je me déclarai et fus accepté. Quand, vers 5 heures, nous rejoignîmes le père en nous tenant la main, mon pull sur les épaules de Véro, Robert eut un sourire radieux. Au retour, il nous offrit un verre de vin d'une bouteille gardée pour les grandes occasions. C'est ainsi que, sans qu'un mot ne soit échangé, tout fut dit. Dès le lendemain, le père me prit à part, m'emmena au bout du vallon. J'appris avec émerveillement à me servir du don qu'il me transmettait. « Je n'ai pas de garçon, me dit-il. Le don ne peut se transmettre que d'homme à homme. » Il me montra avec patience comment charger la baguette de coudrier, la régler, l'équilibrer. Il m'expliqua aussi que, outre la baguette, l'analyse du sol, des couleurs, la faune et la flore étaient des indices précieux et contribuaient grandement au choix du forage si nécessaire. Par exemple, le mousseron est un signe d'eau peu profonde, et le carex est le signe d'une eau qui ne demande qu'à naître. Par contre, pour les eaux profondes, au-delà de 5 mètres, le don est nécessaire. Il ne sut jamais à quel point le cadeau qu'il venait de me faire compta dans ma vie. Tout au long des années qui suivirent, ce don familial resta une signature de conduite, une façon de vivre, un respect des choses simples. Il avait au bout du vallon une petite pièce de terre. Nous étions aux confins de la commune. Nous étions donc par la même occasion aux confins de l'appellation Côte du Rhône. Cette petite parcelle de terrain aux quatre coins mal définis était perdue au pied des bosquets riches de thym, laurier, buis et autres plantes odorantes. Elle était plantée d'une mauvaise variété de raisins, riche en volume mais pauvre en qualité, et de ce fait était devenue importune. Des hybrides blancs, si mon souvenir est bon. Le père avait décidé que, dès les vendanges finies, on arracherait cette mauvaise vigne pour planter du grenache noir, au grain petit, peu abondant, certes, mais d'une qualité supérieure qui permettrait de faire passer cette partie du vignoble, plus ou moins 30 ares, en contrôlée, car le grenache donnait un vin fort et fruité. J'avais fêté mes 20 printemps depuis 3 mois. Noël était de la veille. Après avoir essouché, brûlé les ceps, ce qui ne fut pas une mince affaire, le grand tracteur jaune de chez Fabre vint d'un labour profond préparer la terre à sa nouvelle destination. Il ramenait une terre grasse et fertile des profondeurs du sol. C'est à cette vue que le père, dans une sorte de pudeur, décida, avant de replanter le jeune cépage à l'automne, de semer une emblavure de blé pour ne pas laisser la terre nue. L'été revenu, le jour tant attendu arriva. Par un beau matin, un peu avant l'aube, le père décrocha la faux qui, depuis 3 jours, l'attendait. Effectivement, depuis tout ce temps, il la dorlotait, la bichonnait, l'équilibrait, la caressait comme on caresse une amante. C'était la faux de son père, une faux d'avant-guerre. Il partit de son pas lent, tranquille, l'outil sur l'épaule, moissonnait son labeur. Je le rejoignis vers 10 heures. Je lui apportai, comme à l'accoutumée, l'omelette et son vin. Le soleil, déjà haut dans le ciel d'azur, dardait de ses chauds rayons tout le vallon. Juste après l'ombre du dernier bosquet, surgissant dans la lumière, apparut brusquement à mon regard une scène digne d'un tableau de Millet. d'un geste amoureux, apparemment aisé mais combien éreintant, d'une rare élégance terrienne que seul le paysan peut comprendre, le père Fauché. Ses bras allaient de droite à gauche avec une facilité déconcertante. Les gerbes tombaient les unes après les autres en gémissant. Elle marquait un temps d'arrêt lorsque la faux les heurtait, puis, comme à regret, se pâmait en douceur sur le côté, formant un andin régulier. L'or de la terre se mêlait, fusionnait intimement avec l'or du ciel. Seule la faux bruissait et soulignait ainsi le silence de cette chaude matinée. Une fine poussière, comme de la poudre d'or, auréolait le père. Dans cette lumière estivale, on aurait dit un saint orant. Cette scène me rappelait Regain du chantre de Manosque. De temps à autre, il s'arrêtait et, d'un grand mouchoir à carreaux tiré de la poche de son bleu, s'essuyait le front perlant de gouttes d'or. Je restais longtemps là à regarder cet homme qui n'était pas encore mon père. Je n'osais troubler cet instant magique, image parfaite de l'amour pour la terre nourricière. Les femmes qui me suivaient de peu arrivèrent avec leur agréable babil. L'immortalité de l'instant était rompue, le film reprenait son cours. Je m'avançai vers le père pour lui porter son rafraîchissement. Une pudeur mal placée m'empêchait jusqu'à ce jour de parler de cet instant magique, bien qu'il fût resté gravé au fer rouge dans les raies de ma mémoire. Ces 14 mois, 2 saisons de vendange, contribuèrent au plus beau jour de ma vie. Véronique, le père, le vin et l'eau, tout concourait à ce bonheur. C'est en revenant de la faculté de Montpellier que la voiture qui ramenait Véro au village fut percutée par un poids lourd dont le chauffeur s'était endormi au volant. Elle fut tuée sur le coup. Lorsque la nouvelle arriva au vallon des Estramières, je crus mourir aussi. La cérémonie d'adieu sitôt terminée, je rentrai au pays sans même repasser par le mas. Je ne pouvais, ou plutôt, je ne voulais partager ma douleur avec personne, même pas avec le père. J'avoue avoir été lâche. Je venais d'avoir 21 ans, l'homme venait de marcher sur la lune pour la première fois, et Beckett recevait le prix Nobel de littérature. Qu'il est doux, ce nom enchanteur des Estramières, où nous comptions résider le restant de nos jours. Il est comme un feuillage qui bruisse de prières, et j'y perçois dans l'eau comme un souffle d'amour. Le souvenir de la jolie élue en notre cœur perdu résonne à travers les ombrages de mon âme. Les jeunes abricotiers, aux fruits tendrement fendus, étaient pour nos futures récoltes un véritable sésame. J'ai souvenance de ses grands yeux noisettes et d'un point de beauté scellé en sa cachette de son regard triste qui devinait notre destinée. C'est là que nos destins se sont un moment percutés. C'est là que je l'ai rencontré la première fois. C'est là que je l'ai cueilli pour la dernière fois. 20 ans plus tard, je repassai au vallon. Le père était assis sur le seuil et je lui souhaitai le bonjour. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais être reçu, même si je m'en doutais, nous nous comprenions si bien. « Oh, femme des pieds, le Belge, viens boire un canon !»« Salut, Robert, ton vin est-il toujours aussi puissant ?» lui dis-je sur un ton ému. « Attends, je te laisse juge. Je vais chercher une bouteille de la dernière vendange de la petite vigne du fond. Tu te rappelles, le Grenache ?» J'entrai et cette odeur inchangée me sauta au visage. Je faillis bien faire demi-tour. J'avais les larmes aux yeux. Pour moi, c'était toujours la maison de Véro et ce parfum, c'était le parfum de mes 20 ans. Oh Robert, si je me souviens, si tu savais. Nous dégustâmes le vin religieusement. Il était agréable, frais, mais corsé comme cela se devait pour un judicieux assemblage de Syrah et Grenache noir. Puis le père me regarda et me demanda « As-tu des enfants ?» J'hésitais à répondre, puis je lui avouai que j'en avais un garçon, et qu'il avait le don de voir la beauté de la vallée sous les brumes matinales, comme sous le soleil du soir, de voir l'arasado, de voir ce que les autres ne voient pas. Il me dit « C'est bien ». Et je vis éclore une larme furtive au coin de son œil bleu, Je compris que lui n'avait pas de petits-enfants, et je crus même qu'il m'en voulut un peu.